Vous vous dites qu'il n'y en a certainement pas deux comme vous. Et pourtant, selon la croyance populaire, chacun, ici-bas, possède un sosie. On s'en aperçoit quand quelqu'un dans la rue vous interpelle en vous nommant d'un autre prénom. Un sosie, quelqu'un qui vous ressemble étonnamment, cela se comprend. Mais un double, ça c'est une autre affaire, qui peut devenir assez compliquée. Nous sommes en 1945 en Angleterre. Les Américains sont venus depuis de longs mois dans la Grande Île et se sont installés pour préparer le débarquement de Normandie. Les Américains. Pour de nombreuses jeunes filles anglaises, c'est tout un autre univers qui bouleverse leur vie tranquille rythmée par l'heure du thé. Ulrike Jungfrau, Yankee d'origine allemande, noue une idylle avec Béatrice Worthing, qui est secrétaire au camp de base des soldats d'outre-Atlantique. Puis, la fin de la guerre arrive et vient le moment des adieux. Ulrich doit regagner sa patrie. Il est affecté au quartier général américain de son corps en Floride avant d'être rendu à la vie civile et de rejoindre le fin fond du Wisconsin. Là-bas, la ferme maternelle a besoin de lui. Les adieux sont tristes, mais on se promet de se revoir bientôt. Béatrice chérie, ne t'inquiète pas. Dès que possible, je reviens te chercher. D'ailleurs, pour te tenir compagnie pendant mon absence, je te laisse Dicky. Tu pourras lui lire mes lettres. Dicky, c'est un bâtard de cocker et de fox-terrier, bien sympathique et typiquement britannique. Il ne comprend pas vraiment que son maître Ulrich s'en va au loin, mais il est un peu inquiet quand même. Une fois rentré chez lui, dans les marais de Floride, puis dans les plaines du Middle West, Ulrich reçoit une lettre d'un brave Anglais, un ami fidèle qui habite non loin de chez Béatrice et qui lui écrit « Mon cher Ulrich, je sais que ce que je vais t'écrire ne va pas te faire plaisir. Mais depuis ton départ, j'ai le regret de constater que Béatrice néglige absolument ton pauvre Dicky. Je ne sais pas quels étaient vos accords à ce sujet, mais ton chien fait peine à voir. Toujours dehors, pas de niche décente, mal nourri, mal soigné. Je n'aurais jamais cru que Béa le traite comme ça. Au fond, peut-être t'en veut-elle de l'avoir laissé en carafe. Ou alors, elle n'aime pas les chiens. Enfin, voilà, t'es prévenu. » Ulrich, quand il reçoit ces nouvelles, n'est qu'à moitié étonné. Béatrice, une superbe rousse au teint de lys, a toujours été plus préoccupée de sa beauté, d'ailleurs réelle, que des soins à apporter au brave Dicky. Alors Ulrich écrit pour demander des explications. Béa met 3 mois à répondre. Alors pas de doute, hein, leurs amours américano-anglaises ont du plomb dans l'aile. Du coup, Ulrich, dégoûté des femmes et de l'amour, décide de rempiler et cette fois, il s'engage dans l'armée de l'air américaine. Mais il n'oublie pas Dicky, son chien fidèle. C'est un homme d'action. Il profite d'une courte permission accordée par l'aviation américaine pour débarquer tout à trac à Launceston, au fond du comté de Kent, en Angleterre. Il ne vient pas chercher Béatrice. Il vient chercher son chien, dans l'intention de le ramener chez lui en Amérique. Mais à Launceston, on ne l'a pas oublié. Ce n'est pas possible. C'est vous, Ulrich? Vous êtes revenu pour épouser Béatrice? Non, pas vraiment. Avec le temps, nous sommes rendus compte que nos caractères étaient trop différents, ça ne marcherait pas entre nous. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a un autre flirt, un Anglais bon teint. Non, je suis revenu des États-Unis pour récupérer mon chien, mon Dicky. Vous voyez l'allure qu'il a, le pauvre clébard? Je suis arrivé à temps. Un mois de plus, il serait mort de faim. Dans la petite ville anglaise, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le journal local, l'Écho de Lamberson, publie la photo de Jungfrau et de son chien avec une manchette sensationnelle. Voilà l'Américain qui a traversé l'Atlantique pour récupérer son chien. On sait que les Anglais, à part Béatrice évidemment, adorent les animaux. La photo d'Ulrich passe dans la presse nationale anglaise. Puis elle se retrouve dans la presse britannique destinée aux troupes d'occupation en Allemagne. Et elle finit par être publiée dans les journaux de l'Allemagne de l'Ouest. Mein Gott! Mais c'est mon Ulrich! Celle qui vient de pousser ce cri en lisant son journal, c'est, dans le petit village bavarois de Kaiserlich, une certaine Wilhelmina Jungfrau, veuve de guerre et bien seule depuis la fin des hostilités. Frau Jungfrau se précipite chez une voisine, le journal à la main. Regardez, Frau Müller, Ulrich est retrouvé, mon Ulrich! Il y a sa photographie sur le journal! Je n'arrive pas à y croire, pourtant c'est bien lui! Ma pauvre Wilhelmina, c'est à ne pas y croire. Comment est-ce possible? Ulrich, mais alors il est américain maintenant? Qu'est-ce qu'on vous avait dit en 1944? Eh bien, j'avais reçu un avis officiel de la Wehrmacht. Il me disait qu'Ulrich avait disparu pendant l'offensive de von Rundstedt dans les Ardennes. Et un de ses camarades avait précisé qu'il était enterré quelque part en Belgique. Mais je n'ai jamais reçu ces objets personnels, ni montre, ni plaque d'identité, rien. Alors j'ai continué à espérer qu'il s'agissait d'une erreur. Mais je n'ai plus eu aucune nouvelle, ni confirmation, ni démenti. Et le voilà qui réapparaît en Amérique. Et je n'y comprends rien. Il a un peu changé, mais c'est normal maintenant. Il mange sans doute à sa faim. Mais regardez, c'est bien lui. C'est quand même curieux, il a un chien qui s'appelle Dicky. Mais regardez, Frau Müller, ce chien ne vous rappelle rien. Frau Müller examine la photo de près. Ah oui, vous avez raison. Ce chien, on dirait bien le petit Soubiche, le chien que votre fils avait bien avant-hier. Mais c'est pas possible. Pas petit chien Soubiche, il est mort depuis longtemps. Je me souviens que vous l'aviez enterré au fond du jardin et qu'on avait mis des fleurs sur sa tombe. Dites donc, Frau Jungfrau, le chien, c'est un détail. Il a peut-être repris exactement le même. Mais à propos d'Ulrich, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, Frau Jungfrau? Ben, je vais me rendre au siège de la Croix-Rouge à Munich. Je leur montrerai toutes les photos d'Ulrich et aussi tous les papiers de famille. Enfin, ceux que j'ai pu sauver des bombardements. Et je vais leur demander d'entrer en contact avec mon fils. Je me demande comment il a pu arriver si loin. Quand même, c'est égal, vous avouerez qu'on aurait pu me donner de ses nouvelles depuis toutes ces années. Il m'a laissé complètement dans l'ignorance. Il devait pourtant bien se dire que j'étais folle de douleur. Je ne sais même pas s'il sait quel mood son pauvre père a été tué lui aussi. Le responsable de la Croix-Rouge, qui reçoit la pauvre Allemande et prend des notes, examine les photos qu'elle a portées avec elle. Il doit admettre, c'est hallucinant, il n'y a pas de doute. C'est absolument lui. La même forme d'arcade sourcilière, la même bouche, la même fossette au menton. Nous allons contacter immédiatement l'ambassade de la RFA à Londres. En principe, votre fils est toujours à Lumberstone pour quelques jours. De toute façon, s'il était reparti, nous pourrions le contacter par l'US Air Force. Frau Jungfrau rentre chez elle dans un état d'exaltation compréhensible. Tous les jours, elle guette le courrier, qui finit par arriver en provenance de l'ambassade allemande à Londres. La lettre qui lui est adressée la laisse sans voix. Chère Frau Jungfrau, suite à la demande d'information que vous avez demandée concernant le brigadier Ulrich Jungfrau de l'US Army, nous avons pu contacter ce militaire qui porte le matricule 18943 US Air Force. Ce militaire a nié formellement être votre fils. Pourtant, un certain nombre d'éléments nous semblent troublants. Tout d'abord, la date de naissance. Le soldat américain Ulrich Jungfrau est né comme votre fils le 30 avril 1920. Mais il affirme qu'il a vu le jour à Rhinelander dans le Wisconsin. Ce sont ses papiers qui en font foi. D'autre part, le soldat Ulrich Jungfrau parle non seulement l'américain, mais il parle aussi très couramment l'allemand, ce qu'il a bien volontiers reconnu, et ce qu'il explique par les origines de sa famille et un séjour dans les troupes d'occupation en Allemagne. Il a révélé qu'avant d'émigrer aux États-Unis, sa famille était originaire d'Allemagne et plus précisément de Bavière. Cependant, il affirme que ses parents sont nés américains. Ce sont ses grands-parents qui étaient originaires de Bavière. Wilhelmina Jungfrau ne comprend pas ce qu'on lui raconte. Elle maintient son point de vue. Ulrich Jungfrau est mon fils. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Je ne comprends pas quelles sont les raisons qui le poussent à me renier. Je suis sa mère, c'est évident. On pousse plus loin les vérifications nécessaires et on contacte au fond du Wisconsin la mère du soldat américain. L'ambassade d'Allemagne à Londres envoie télégramme sur télégramme aux États-Unis. Les réponses sont on ne peut plus affirmatives. Avons vérifié existence mère Ulrich Jungfrau, aucun doute possible. Wilhelmina Jungfrau n'est pas encore au bout de ses surprises. On lui confirme par un courrier ultérieur que Ulrich Jungfrau américain est lui aussi le fils d'une veuve. La veuve américaine est âgée de 62 ans exactement comme la maman allemande. Plus incroyable encore. La maman américaine et la maman allemande portent toutes les deux le même prénom, Wilhelmina. C'est à devenir fou. Plus incroyable encore, s'il est possible. L'Ulrich Jungfrau américain est doté d'une sœur plus jeune que lui. L'Ulrich Jungfrau allemand, disparu en pleine bataille, possédait une sœur, elle aussi plus jeune que lui, mais qui ne vit plus avec sa mère. Mais la sœur américaine se nomme Caroline, tandis que l'allemande porte le prénom de Frida. Wilhelmina Jungfrau, la bavaroise, devant cette multitude de coïncidences, est renforcée dans sa certitude. L'Ulrich Jungfrau américain ne peut être que son fils. Pourquoi affirme-t-on, contre toute évidence, qu'il possède une autre mère et une autre sœur au-delà de l'Atlantique ? Mystère. On ne peut avoir deux mères quand même. Pourquoi les deux américaines, la mère et la fille, s'entêtent-elles à nier l'évidence ? Mais Ulrich Jungfrau américain, lui, persiste et signe. Il ne s'agit que d'une série incroyable de coïncidences dont certaines s'expliquent sans doute par une origine allemande commune à nos deux familles. De là la ressemblance physique, de là les prénoms de nos deux mères. Si Frau Jungfrau veut me recevoir, je serai très heureux de la connaître. Cependant, il faut d'ores et déjà qu'elle renonce à tout espoir de retrouver son fils en moi. Frau Jungfrau, depuis, s'est murée dans un silence réprobateur. Petit à petit, elle transforme l'amour pour son fils disparu en rancune tenace. Ses voisines essaient de lui faire accepter l'inacceptable vérité. Mais elle ne varie pas d'un poil et répète à longueur de journée : « Mais pourquoi Ulrich ne veut-il pas reconnaître que je suis sa mère ? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, ces Américaines ? Comment peut-on me rejeter comme s'il avait honte de moi ?» Même l'idée de rencontrer Dicky, sosie de Schubisch, ne la décide pas. Mais elle va fouiller au fond du jardin et elle retrouve le squelette du petit chien allemand.